sortie culturelle. Culturel au Festival du cinéma en famille de Québec vous est présenté en direct du cinéma Le Clap Sainte-Foy. Bonjour et bienvenue dans Sortie culturelle au Festival de cinéma en famille de Québec. Jessica Leb avec vous pour vous accompagner en plein cœur de ce festival jusqu'à 17h30. On est en direct du cinéma Le Clap de Sainte-Foy qui va vivre sa dernière fin de semaine au cœur de ce festival. Et il y en a qui n'ont pas chômé depuis le début de ce festival. C'est une émission spéciale jury, je pense, que je vous propose aujourd'hui parce qu'on accueillera le jeune jury du Festival de cinéma en famille de Québec, dedans. Entre eux qui ont joué le jeu, qui ont joué comme des professionnels pour noter les films, mettre leurs appréciations, donner des étoiles, que ce soit à la musique, l'image ou le scénario. On en parlera avec eux au courant de cette émission. Annie Frenette également viendra faire son tour, chargée de projet au Festival de cinéma en famille de Québec, pour nous parler du reste de la programmation. Parce que ça y est, comme je vous le disais, on est plutôt en fin de parcours, mais il y aura toute la fin de semaine à ne pas manquer pour les derniers films, les prix qui vont être remis aussi. Et également, on le rappelle, ce lundi 11 mars, c'est une journée pédagogique pour certaines commissions scolaires. Donc, certains films seront encore à apprécier ce lundi au CLAP, que ce soit à Sainte-Foy ou à Loretteville. Comme je vous l'ai dit, on rencontre les jurys de ce festival. Je vous ai parlé des jeunes jurés. On a aussi un jury professionnel qui est avec nous. Ils ont des petits yeux, je pense qu'ils ont bien, ils ont bien parcouru les salles de cinéma toute la semaine. Alors, je vous présente deux d'entre eux. On est avec André Cady, fondateur et directeur du studio du Coup Animation. Bonjour André. Bonjour. Également avec toi, Jean-Jacques Tremblay, directeur du baccalauréat en arts et sciences de l'animation de l'Université Laval. Bonjour. Et la troisième, on va quand même la citer, Julie Saint-Onge, qui est copropriétaire et directrice artistique de l'entreprise Keto, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui faisait partie également de ce jury pro. Racontez-moi, pourquoi avoir accepté d'être jury dans un festival de cinéma jeunesse, hein, il faut le préciser. Pour le plaisir, c'est un festival qui est très riche, en fait, puis il y a beaucoup de variétés. Il y a aussi beaucoup d'animation. Moi, c'est une des choses qui m'intéresse beaucoup. Ça fait que beaucoup des films, la majorité des films longs-métrages, c'était des films animés. Dans les courts-métrages également, et on retrouvait peut-être quatre en prise de vue réelle dans les courts-métrages et deux films en prise de vue réelle dans les longs-métrages. Ça fait que c'est vraiment un plaisir cette semaine pour moi. De la découverte aussi, même si vous êtes dans le milieu. Absolument. André, de ton côté? Oui, ben c'est pareil, déjà, c'est un honneur. Et puis, Robert Plamondon, Annie Frenette font tellement pour l'animation à Québec en amenant des super films tous les ans. La moindre des choses, c'est qu'on puisse participer quand on peut aider pour une fois qu'on le fasse. Mm-hmm. Ça permet de voir des beaux films, puis que ce soit à la fois les étudiants de l'Université Laval ou mes animateurs. C'est le genre de festival qu'on a envie de voir à Québec pour justement que les fans d'animation et de films pour la famille puissent venir et puis profiter. Mm-hmm. André, toi aussi, de ton côté, tu as donné un atelier sur le métier de directeur de studio pendant le festival. Oui, oui. Ben, plus sur la réalisation en soi. On est parti de la Jean-Jean, qui est la production qu'on est en train de faire. Puis j'ai expliqué de A à Z, c'était quoi toutes les étapes du storyboard jusqu'au final, quand on passe à Radio-Canada ou à TFO. Alors ça fait partie des rencontres que vous avez pu faire avec les jeunes à travers le festival. Évidemment, vous avez votre appréciation personnelle, mais en tant que jury, j'imagine que vous êtes très attentif, très sensible à ce qui se passe dans la salle aussi, du côté des autres spectateurs. Jean-Jacques. Oui, c'est vrai. On apprécie le rire des gens, des jeunes quand il y en a. Mais je dois avouer que moi, en tout cas personnellement, j'étais pris dans les histoires, dans la ligne narrative, dans la musique, dans les belles images. J'étais un bon spectateur. J'étais vraiment bien dans l'histoire. André, toi, est-ce que tu t'arrives à te détacher du film pour sentir un peu ce qui se passe dans la salle pendant la projection? Ben, c'est sûr qu'on est entre les deux, dans le sens que d'un côté, on est pris par le film, Et on essaie de le rester justement pour voir où est-ce qu'il nous amène, qu'est-ce qu'on ressent, est-ce que jusqu'au bout du film, on reste dedans. Puis d'un autre, on doit à la fois essayer de voir, OK, la musique aussi, donc de quand même garder un œil un peu extérieur de professionnel. Mm-hmm. Puis quand on faisait nos délibérations, on en parlait beaucoup, justement, dire, ouais, mais tel film, hey, regarde, les jeunes qui étaient à côté de nous, ils ont vraiment réagi au Black Gloss parce que c'est du cinéma en famille, donc c'est important, c'est de bien comprendre comment le public cible va être capable de percevoir les films. Mm-hmm. C'est pas juste notre œil qui compte, c'est la réception des familles, justement. Mm-hmm. C'est vrai. Vous êtes dans le milieu, tous les deux, évidemment, du cinéma, de l'animation. Est-ce que vous arrivez encore à voir des films avec l'œil pur du spectateur? Vous êtes toujours dans l'analyse? Oh non, moi, je le regarde comme un enfant, encore aujourd'hui. Je pense que je suis très capable de regarder un film comme un enfant. J'ai aucun souci avec ça. Et André? Oui, non, tout à fait. Ben, souvent, on se le disait tout à l'heure, sortez le fun d'aller voir une deuxième fois. Parce que souvent, c'est ce qu'on va faire. La première fois qu'on voit un film, on se laisse complètement porter. Puis quand on le revoit après, là, c'est l'œil d'analyse qui rentre. OK, pourquoi la musique, ils l'ont mis là? Pourquoi? Ah, là, ça, ils auraient pu faire ça. Ouais. Mais la première fois qu'on regarde un film, on est toujours pris dedans. Puis on essaye de rester un maximum dans l'histoire. Là. C'est la magie du cinéma, quand même, ça qui opère. Alors, parlez-nous un petit peu de la sélection que vous avez vue, puisque ce sont 9 films en compétition, si je ne me trompe pas. 7 plus 2 programmes de cours. Alors, comment vous résumeriez cette sélection? Je sais que vous ne pouvez rien dire, les prix vont être mis demain, mais quand même, pour avoir un aperçu. On peut dire que c'était riche, c'était varié. Côté graphique, il y avait beaucoup de beaux contrastes, en fait. Il y en avait avec des styles complètement différents. En plus du fait qu'il y avait de la prise de vue réelle et de l'animation, même en animation, il y avait des styles complètement différents. Il y en avait certains dans les courts-métrages qui suivaient une ligne narrative bien normale. Il y en avait d'autres qui étaient un peu plus abstraits. Donc, c'était vraiment riche. Peut-être que c'est ça qui les résume mieux, ce que j'ai vu. Mmh. Oui, on a essayé de ne pas trop regarder d'avance pour justement arriver puis garder justement la découverte. Puis c'est sûr qu'il y a plusieurs catégories de films. Il y a des films très engagés, des films justement qui vont à des pages d'histoire, des films très intimes, puis des films très jeunesse là, qui sont faits pour rire, comme La Petite Sorcière et tout ça. Puis c'est vraiment plaisant de pouvoir passer de l'un à l'autre. Surtout, comme tu dis, on en a vu beaucoup. Mmh. Mais c'est tellement différent les uns des autres qu'il n'y a pas de lassitude qui se met en place. Parce qu'à chaque fois, c'est un nouveau petit univers. Mais entre Mia et Lion Blanc, tu sais, où c'est vraiment... C'est du live action. C'est le lion et tout ça. Puis après, il y a Funan. C'est deux univers complètement différents, mais les deux sont plaisants à regarder. Là. Parlez-moi des prix, alors, que vous allez remettre. Ou c'est un seul prix, dites-moi? Non, il y a le prix du meilleur film, meilleur long-métrage, meilleure réalisation en long-métrage, meilleure musique long-métrage, et le meilleur scénario également. Mmh. Mais ça va être les mêmes prix... côté court-métrage également. Et cette année, ils ont décidé finalement de faire le prix justement de jury professionnel, comme tu disais, puis le jeune jury. Je n'ai pas trop d'idées là-dessus. Moi, j'avais hâte de pouvoir parler avec eux de comment ils ont perçu le film, mais c'est intéressant aussi quand même de leur laisser leur prix à eux, avec leur perception, parce que ça permet justement, c'est cinéma en famille, là, donc c'est hyper important d'avoir des prix qui sont dédiés spécialement avec le public cible aussi de jeunes et ados. Là. Donc ils ont délibéré Jean-Jacques. Complètement de leur côté, sans nous, et nous de notre côté. C'est ce que j'allais vous demander. Vous n'avez donc aucune idée des prix que vont remettre les jeunes jurés? On a un tout petit peu triché. Ils nous l'ont dit, mais on n'a pas assisté à leur délibération, puis inversement, mais à la fin, on s'est juste échangé pour voir nos perceptions. Puis c'est super intéressant de voir justement que il y a des points qui revenaient, notamment techniquement, ils ont un bon œil, ils ont fait des commentaires qui étaient très proches des nôtres, mais évidemment, après leur Grand Prix, ils ne vont pas forcément aux mêmes personnes, puis c'est tout l'intérêt, justement. Mm-hmm. De pouvoir parler chacun avec sa perception, bien sûr, et son expérience. S'il y a des films qui vous ont complètement dérouté, surpris, que vous partiez peut-être avec un a priori, puis finalement, ça allait dans une autre direction? On peut pas donner de nom encore, on peut pas donner les titres. Mais oui, je dois dire qu'il y en a certains qui m'ont surpris. Moi, peut-être plus côté graphique, en termes de technique utilisée et de pousser les limites côté graphique. Il y en a, comme André disait tout à l'heure, il y en a qui sont quand même engagés. Eux autres aussi m'ont surpris plus côté scénario. André? Oui, puis j'avais hâte d'avoir justement la perception des un peu plus jeunes sur ces films-là. Tu sais, justement, on parle évidemment de Funan notamment, de Wardy. Et, ben, écoute, nous, les collègues qui sont venus ou des amis qui sont venus avec des enfants, pas en bas âge, mais souvent des ados ou pré-ados, tu sais, ils nous ont dit « Ah non, non, il a vraiment aimé », puis ouais. Il m'a posé des questions. Puis... Donc, écoute, ça peut être étonnant de se dire « Ah oui, est-ce que le film-là, il va bien être perçu par un jeune qui sort d'aller voir Dragons? » Puis non, non, non, la réception était très bonne. Mm-hmm. Parce que justement, c'est des films qui sont tout en pudeur, c'est des films qui sont bien écrits, c'est des films familiaux quand même, dans le sens où on ne montre pas la violence directement, on la suggère. Donc, ça ouvre le débat. Tout ce qui compte, c'est que le jeune, dans la voiture, en revenant, il dise « Ben, c'était quoi? C'est quoi ce pays? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils en sont là? » Puis, si le parent a les réponses, ben, ils en parlent. Sinon, ils vont chercher ensemble. Et puis, c'est hyper intéressant. Là. En fait, c'est ça qui est le fun avec ces festivals. Le festival, c'est que c'est une chance de voir ces films-là. C'est pas nécessairement facile de voir ces films-là toujours. Mm-hmm. La réflexion, surtout, et l'échange en famille, c'est aussi l'un des objectifs du festival. Vous avez parlé de différents prix que vous allez remettre pour la meilleure musique, meilleure réalisation. Parfois, on voit des films qui raflent tout. Est-ce que ça va être le cas dans ce festival ou... Non, non, on ne peut pas rien dire. Là. Non, mais c'est pareil dans tout festival. Justement, on en parlait parce que nous, on est enseignants aussi. Puis ouais. On remet des prix tous les ans aussi à des étudiants, que ce soit là au Bazo, Cégep du Vieux. Puis autant dans un cadre universitaire, tu vas y aller aussi beaucoup avec. Bah, écoute, lui, il a déjà gagné meilleur film, donc ça serait le fun que d'autres gagnent parce qu'il faut mettre en valeur, parce qu'il y a de la mise. Là, c'est un contexte professionnel. Donc à la base, un film pourrait très bien gagner quatre prix si. Objectivement, il est à la fois la meilleure musique, puis objectivement, c'est la meilleure histoire. T'sais, on ne peut pas le pénaliser en disant « Oh, Mélanie, j'ai gagné un. » Ce n'est pas l'école des fans. Mais on ne va rien dire. Vous ne direz rien. J'aurais quand même essayé. Les deux cas sont possibles. Mais je rappelle que donc... Bah, on va rappeler, en fait, à quel moment sont remis les prix. C'est lors de cet après-midi de clôture, samedi. Hein? Mm-hmm. C'est demain au cinéma Clap de Loretteville à midi, je pense. Ça commence à midi. Je ne sais pas quand on met les prix exactement, mais c'est vers là. Il y a de l'animation pour commencer et ensuite les prix qui seront remis. Évidemment, le jury professionnel sera là. Oui. Alors, je remercie mes invités. André Cady, fondateur et directeur du studio du Coanimation. Merci. Merci, Jessica. Également, Jean-Jacques Tremblay, directeur du baccalauréat en arts et sciences de l'animation de l'Université Laval. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on va parler avec Annie Frenette de l'équipe du Festival de cinéma en famille de Québec pour vous parler des films à ne pas manquer cette fin de semaine et même lundi prochain, puisque je le rappelle, c'est une journée pédagogique pour certaines commissions scolaires. Ce sera juste après Charlotte Cardin. Voici les jupes. Dessine-moi à l'envers comme à l'endroit. Tu me saoules en douce. Devine-moi et déplace les dégâts. Moi, je retiens encore mon souffle. Dérive-moi et en deux et en trois, on refait la boucle. Évite-moi et en long et en large, je t'attendrai à genoux. Sous les jupes, tu trouves un remède d'un jour, mais ta vie se résume à des robes. Rêve-moi en couleur et en ombre, on repeint tous tes mensonges. Serre-moi un dernier verre au nom des amours sur ton balcon. Soulève-moi sur le mur, tu me plaques ou le dos d'autres filles à laisser d'autres marques. Sous les jupes, tu trouves un remède d'un jour, mais ta vie se résume à des robes et des lunes de miel. Tes dix douilles dansent une à une, elles se fondent dans tes sables.

De retour dans Sortie culturelle au Festival de cinéma en famille de Québec en direct du cinéma Le Clap Sainte-Foy. Jessica Lay pour vous accompagner jusqu'à 17h30. Depuis le début de la semaine, on vous fait vivre ce festival pour la relâche. Festival où on sort en famille, mais aussi certains adultes qui se font plaisir pour aller voir des films d'animation. C'est pas terminé. Il reste encore quelques jours à ce festival qui se poursuit jusqu'au 10 mars. Et même ce lundi 11 mars, vous pourrez en profiter d'une certaine façon avec une journée pédagogique pour certaines commissions scolaires. Pour parler des films encore à l'affiche, Annie Frenette, chargée de projet au Festival de cinéma en famille de Québec, qui est avec nous. Bonjour Annie. Bonjour Jessica. Annie, c'est pas fini, donc c'est la dernière fin de semaine, mais oui. Pas des moindres. Par exemple, ce soir, qu'est-ce qu'on peut voir? Bien, il y a encore ce soir... Dragon 3, le monde caché. Ouais, c'est toujours un must, les dragons. Moi, j'ai apprécié beaucoup le 1, le 2 et le 3. Je pense que ça vient comme clore une belle trilogie. Donc, c'est ce soir à partir de 21h15 à Sainte-Foy et également 21h15 à la succursale de Loretteville. Et demain, grande journée. On a parlé avec le jury professionnel tantôt des prix qui vont être remis aux films en compétition. Oui. Si on veut en être témoin, il faut faire vite, c'est presque complet. Oui, c'est ça. C'est demain après-midi, 13h30, à la succursale de Loretteville. On présente le film de clôture Mia et le lion blanc. Et on aura la remise de prix du jury jeune et du jury pro. À ne pas manquer donc, et on vous le rappelle, si vous voulez réserver vos billets, ça se passe sur le site du festival fceq.ca, il y a une billetterie en ligne directement. Annie, tu me disais, il faut faire vite, il reste que quelques places seulement. Quelques places seulement, oui. Pour aller voir ça. Mais demain, la succursale de Sainte-Foy vous propose encore l'activité BD 3D, donc c'est une réalité virtuelle, on met un casque avec... un téléphone et on se promène à l'intérieur de BD, de BDistes québécoises, ouais. Absolument. Donc ça, c'est demain de 10h à 16h. Il reste aussi des films en compétition qu'on peut voir encore demain à Sainte-Foy, à Loretteville, 17h. Demain, c'est Wardy et dimanche, c'est Tito et les oiseaux. Deux films à caractère historico, politico, géographique peut-être, là, que je pourrais dire, mais vraiment deux films que je sais que les jurys et le grand public ont bien apprécié jusqu'à maintenant. Je sais qu'Annie, tu m'as dit, Wardy, il faut le voir, c'est un incontournable. Quand on parlait de films engagés, historiques, celui-ci en est un bon exemple. Hein? T'as un bon exemple, c'est Wardy, palestinienne de 11 ans, qui rencontre son quotidien à travers différentes époques du camp de réfugiés où elle habite, donc son grand-père, son oncle et son père. Différents esthétismes aussi, différents médiums artistiques pour démontrer les différentes époques. La musique est vraiment, vraiment très jolie. C'est un personnage 3D que la petite Wardy se promène là-dedans. Beaucoup de cœur, en fait, du directeur de la programmation et moi-même quand on l'a vu la première fois. C'est une coproduction Norvège, France, Suède en plus. Donc, tout un travail européen autour de ce film Wardy de Mats Grorud. Grorud. Voilà. Très également... québécois comme nom de famille. Oui, hein, n'est-ce pas? Et dimanche, Annie, si on veut sortir au Festival de cinéma en famille, qu'est-ce qu'on peut voir? Dimanche, à Loretteville, il y a encore le film Lego 2. Il y a également Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre. Donc, cette année, on a Dragon 3 et le film Belle et Sébastien 3. Astérix, Secret de la potion magique, est toujours à l'affiche. Léo da Vinci, la mission Mona Lisa, qui est quand même à découvrir si ça a envie de sortir un peu des sentiers battus de Astérix et de Belle et Sébastien et de Dragon. On peut voir également lundi, à peu près les mêmes films, toujours, on les garde à l'affiche jusqu'à lundi, comme tu as dit plus tôt, journée pédagogique, donc souvent on cherche quoi faire la dernière journée, mais pourquoi pas venir voir un film et profiter des belles salles de Loretteville et de Sainte-Foy. Annie, on peut se poser la question, après le festival, est-ce que c'est vraiment c'était la seule occasion pour voir ces films-là ou il y en a certains qui vont rester à l'affiche encore une, deux semaines? Il y a peut-être certains films qui vont revenir à l'affiche un peu plus tard. Je lisais hier que MK2 a décidé de sortir Mireille, ma petite sœur, en salle, donc à partir du mois d'avril. Donc partout au Québec, il y a des chances de revoir Mireille. Il était juste présenté deux fois cette année au festival, malheureusement. Donc une chance. Je pense que Mia, le lion blanc, va sortir aussi commercial. Vite comme ça, j'ai envie de dire, Léo da Vinci risque de revoir, d'être à l'affiche à nouveau. Mais c'est un peu tôt, en fait, pour tout dire ce qui va arriver des films. Ça reste encore incertain. Ouais. C'est pour ça qu'il faut profiter du festival, parce que là, vous êtes sûr de les voir. C'est un festival, en fait. On se permet des films que... ils ne prendront pas l'affiche ou que quelques-uns d'entre eux. C'est pour nous ce qu'est un festival. C'est vraiment une chance unique de découvrir différents films, différents réalisateurs aussi de différents médiums artistiques ou encore de pays, pourquoi pas dire pays. Annie, c'est l'occasion de faire un bilan aussi de cette huitième édition du Festival de cinéma en famille de Québec. On ne se reparlera plus. C'est terminé. Voilà. Mais comment vous vivez-vous à l'interne ce festival? C'était le dernier d'ailleurs au sein de la pyramide Sainte-Foy. Oui. Ben moi, j'ai un peu de nostalgie déjà. Tu sais, je sais qu'à chaque jour, je me dis l'année prochaine, on sera dans un autre lieu, donc quelque chose de nouveau. On a déjà un aperçu avec le Redville, qu'est-ce que ça peut donner un festival dans un autre lieu. Donc, on voit que la réponse, elle est vraiment là. De la part du public, on a été très fiers de ça. Sainte-Foy aussi, on a gardé quand même notre public, l'achalandage est resté constant. Et dans les bilans, ce qui est bien, c'est que Robin Plamondon et moi-même, on voit des films à l'avance et on les programme. Et là, c'est de voir la réaction des gens. Parce que nous, on a eu des coups de cœur, mais à savoir si les gens auront les mêmes coups de cœur que nous. Et on trouve que la réponse est quand même là. Donc, quand les gens me disent « Oui, Wardy, vraiment, c'était fort intéressant », tu fais « Fiouf, OK, oui, moi aussi, j'avais aimé ça », mais c'est toujours, on a toujours hâte d'avoir la réponse du public, en fait, à nos choix. Voir donc, si ça va être partagé. Oui. Parce que, Annie, on a l'occasion de parler un petit peu des dessous du métier, mais oui, tu voyages toute l'année avec Robin pour aller dans d'autres festivals et repérer ces films d'animation qui font partie de l'édition québécoise. Oui, parce que souvent, on appelle ça des workshops, désolée pour l'anglicisme, mais c'est des rencontres où est-ce que les réalisateurs, les producteurs nous montrent où le film est rendu dans l'étape presque la post-production. Donc, on assiste beaucoup à ces ateliers-là dans les festivals. Donc, ça nous ouvre les portes, les idées et de commencer les négociations pour avoir les films à notre festival, soit en 2020, 2021, 2022. Donc, on s'y prend d'avance. Et aussi, moi, je me promène, j'ai toujours les yeux ouverts sur des ateliers qui se passent un peu dans la ville de Québec ou au Québec, des ateliers qui pourraient être intéressants pour les jeunes, pour toujours se renouveler d'année en année. C'est l'occasion d'avoir vu cette année Luc Boulanger avec Atelier d'effets spéciaux. C'est que j'ai découvert dans une bibliothèque. Je me suis dit, ça serait intéressant de l'avoir pour le festival. Donc, toute l'année, en fait, nos antennes sont là, nos oreilles, nos yeux, pour voir qu'est-ce qui s'en viendrait ou qu'est-ce qui est arrivé qu'on n'a pas vu, qu'on peut répéter dans le festival. Entre autres, Moutafoukaz, on l'avait présenté dans le mois de l'animation, en octobre. Puis, on s'est payé le bonheur de le rejouer hier à Loretteville lors d'une soirée cosplay. Fait que des fois, on se fait des petits cadeaux comme ça. Alors, quelques jours seulement pour profiter du Festival de cinéma en famille de Québec, je vous rappelle, jusqu'au 10 mars. Faites vite si vous voulez réserver vos billets, fceq.ca. Vous pouvez toujours le faire en avance, ça vous évite de vous cogner le nez à la porte d'une certaine façon, parce que le cinéma est toujours ouvert, il y a tout un tas de films. Mais si vous vouliez, vous teniez absolument à une activité, c'est le meilleur moyen de procéder, Annie. Demain matin, Hilton Québec, dernier matin pour aller voir une projection dans une salle au Hilton. Et avec votre billet de cinéma, vous pouvez aller à la piscine après, donc la piscine extérieure chauffée du Hilton. Donc, c'est aussi une nouveauté cette année. Il reste un matin, demain matin, samedi. Ça a très bien fonctionné aussi pendant le festival. Ça a très bien fonctionné. On a eu une très bonne réponse. Donc, des fois, on a des idées comme ça un peu folles. Quand on voit que les gens répondent, on a le goût de recommencer. À suivre pour l'année prochaine, alors. Oui. Annie Frenette, merci beaucoup. Merci. Chargée de projet au festival. Dans quelques instants, on parle avec les jeunes jurés qui, eux aussi, auront leur mot à dire à travers des prix qu'ils remettront demain lors de l'après-midi de clôture au cinéma Le Clap Loretteville. Ça sera juste après. Celle qui a reçu aujourd'hui le titre de nouveau talent de la semaine selon Apple Music et iTunes, et elle est de Québec. Voici Lou-Adrienne Cassidy avec Les Amours Immatures. Précieux petit insolent, à la bouche, aux yeux violents, je me crois forte et pourtant je sens que ça devient glissant. La fièvre me prend lentement, tâche mes rêves adolescents. Tu m'enivres et je me surprends à y penser de temps en temps. Ne me dis pas qui je ne suis pas, ne fais pas celui qui sait mieux que moi ce que les filles de mon âge ont envie des gars de ton âge. Épargne-moi le cinéma de tes remords et je ne sais quoi. Parfois les filles de mon âge ont envie des gars de ton âge. facile des calmes sur ta peau. Je me casse les dents. Je cherche depuis trop longtemps à cracher sur mes vêtements. Je veux un corps, ton corps ardent contre mon cœur innocent. Je laisse respirer le temps. Qui je ne suis pas, ne fais pas celui qui sait mieux que moi ce que les filles de mon âge ont envie des gars de ton âge. Épargne-moi le cinéma de tes remords et je ne sais quoi. Parfois les filles de mon âge ont envie des que cette idylle à l'usure aura eu raison de ma peau, aura eu raison de ma peau, aura eu raison de ma peau. Lou Adrienne Cassidy, Les Amours Immatures à CKRL 89.1. On est toujours à Sortie Culturelle au Festival de Cinéma en Famille de Québec, en direct du cinéma Le Clap Sainte-Foy. Jessica Leb avec vous pour cette dernière demi-heure. On a vécu toute cette semaine au cœur du festival grâce au Machin Club qui a animé lundi dernier, Pierre Blais et son équipe également qui étaient là. Moi aussi, pendant trois jours, je découvre le festival avec vous et c'est enfin le moment de recevoir le jeune jury du festival. Puisqu'on vous l'a dit un peu plus tôt dans l'émission, plusieurs prix vont être remis à 7 films en compétition dans cette 8e édition du festival. Et le jeune jury a aussi son mot à dire et a aussi ses prix distincts par rapport au jury professionnel qu'on a reçu un peu plus tôt dans l'émission. Alors je reçois un des membres de ce jeune jury, Joachim Boisvert, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Raconte-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer au Festival de cinéma en famille de Québec? Sincèrement, c'était un peu un hasard parce que Elisa, une grande responsable, m'a appelé pendant que j'étais au lit avec une cathéter dans la main. J'ai fait des bénévolat 4 ans auparavant. Elle m'a appelé pour devenir jury. Je m'attendais vraiment pas à ça. Fait que c'est comme ça. C'est juste au hasard. Alors, ça a commencé avec le bénévolat quand même. Oui. Qu'est-ce que tu faisais en tant que bénévole? Agent d'information. La formation? Oui, agent d'information. Agent d'information, pardon. D'accord. Donc, c'était d'accueillir les visiteurs ici. C'est ça. Une journée type, ça donnait quoi? Devant les salles, je trouvais des petits dépliants. J'accueillais les jeunes à la table du FCQ. Et c'est pas mal ça, là. Pour l'avoir fait 4 ans, c'est que tu as aimé l'expérience, alors? Oui. C'est un ami qui me l'a montré à la base. Je suis resté depuis. Là. Qu'est-ce que tu as préféré faire? À date? Dans le bénévolat, pour commencer. Le jury. Le jury, oui. Plus que l'accueil en tant que tel. Effectivement. Comment tu as abordé ce rôle de jury? Est-ce que tu arrivais à rester spectateur du film ou tu avais le petit œil critique à analyser un petit peu ce qui se passait dans le film? Mais en fait, il fallait quand même que je prête vraiment comme d'un œil critique le film puis que je vois ma façon. Mais c'est sûr que des fois, c'était plus des films plus pour jeunesse. Puis il fallait comme se mettre dans la peau d'un jeune... Plus jeune que toi. Ouais, ça. Parce qu'on n'a pas précisé ton âge, mais à la voix, on entend que tu es un peu plus âgé. Ouais. Adolescent. 16 ans. 16 ans, pour être exact. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être des films parfois qui touchent des 6, 10 ans. Puis, t'es pas la cible, finalement. C'est ça. Est-ce que tu arrives à les apprécier, ces films-là? Ouais, tu sais, j'ai essayé, mais sincèrement, je ne suis pas vraiment capable de me mettre à la place d'un jeune de cet âge-là. Puis, Mais repenser aux jeunes que tu étais toi, peut-être. Ouais. Ben, ça m'a fait revenir dans le passé un peu. Là. Est-ce que tu as eu des coups de cœur immédiats pour certains films? Tu es sorti, tu t'es dit, ouais, celui-là, il mériterait d'avoir un de nos prix. Sincèrement, aujourd'hui, je suis allé voir Pachamama. C'était excellent. Un très beau scénario. Puis un film aux mille couleurs. C'était vraiment bon. Ce serait ton coup de cœur? Oui. D'accord. Alors, à savoir si c'est partagé par les autres membres du jury. Yes. C'est une autre question. C'est comment bon. Ça s'est passé, les délibérations? Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, c'est déjà passé. Ça y est, vous avez vos prix, etc. Oui, c'est passé vite quand même. Là. Oui? Ça a pris pas... ça a pas pris pas dans longtemps. Là. Vous étiez assez d'accord sur tout? Oui. C'est assez facile, ouais. Alors. Parce que les deux autres membres du jury, on va en découvrir une autre dans quelques instants, mais il y avait avec toi Camille Gravel, Alice Allard, j'imagine que vous ne vous connaissiez pas avant de faire cette expérience. C'est la première fois que j'y voyais. Et pour autant, il faut se mettre d'accord, et vous étiez tous d'accord. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres films que tu as envie de recommander justement aux jeunes de ton âge? Bon, tu as parlé de Pachamama, mais est-ce qu'il y en aurait d'autres que tu recommanderais à des jeunes de 16 ans au festival? 16 ans, qui ont... Mettons Funan. Funan, c'est un film historique au Cambodge. Les foulards rouges, il me semble, c'est ça. Foulards rouges. C'est excellent. C'est sûr que c'est moins conseillé aux jeunes parce que c'est plus violent, plus. Jeune. Ça ouais, fait drôle quand tu dis jeune parce que pour moi, t'es jeune déjà. Enfant, mais jeune enfant. Dire plus jeune, enfant, ouais, d'accord. Ouais. Donc tu le recommanderais pas évidemment à des enfants de moins de 13 ans. C'est 12 ans et plus. OK. Alors, pour tout savoir sur les prix qui vont être remis par le jeune jury, ça va être demain à l'après-midi de clôture au cinéma Le Clap Loretteville à compter de midi. Joachim, est-ce qu'après le festival, tu as envie d'aller vers des études de cinéma? Est-ce que ça a renforcé cette passion ou pas? Sincèrement, pas vraiment. C'est un loisir seulement? Oh, c'est ça, comme bénévolat pour l'école. J'aime vraiment ça par contre, mais... Je ne sais pas, je m'embarquerai là-dedans vraiment. Là. Très bien. Ben, Joachim Boisvert, merci beaucoup. Yes. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. Dans quelques instants, on recevra l'une des autres membres du jury, Alice Allard, pour ce jeune jury du Festival de cinéma en famille de Québec. Ça sera juste après Holidays. Voici On a déjà. Tu bonheur. Holidays avec On a déjà, CKRL 89.1, duo français dont l'album est véritablement un coup de cœur pour moi, Hollywood Bizarre, si vous voulez écouter ça. Son numéro 1 du palmarès CKRL cette semaine d'ailleurs. On continue en plein cœur du Festival de cinéma en famille de Québec, ses sorties culturelles qui se poursuit jusqu'à 17h30. Jessica Leb avec vous et j'accueille une autre membre du jeune jury de ce festival. On a parlé avec Joachim tantôt, voici maintenant Alice Allard. Bonjour Alice. Bonjour. Alice, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de t'impliquer dans ce jeune jury? C'était vraiment sur un coup de tête. Là. Un moment donné, il y a une amie à ma mère qui m'a parlé de ça, puis qui m'a dit « Alice, je pense que t'aimerais ça, faire ça durant la semaine de relâche », puis ça m'a vraiment donné vraiment le goût d'aller voir des films, puis j'aime vraiment ça aussi, le cinéma, fait que je me suis juste inscrite, puis j'ai été retenue, fait. Ça m'a vraiment fait plaisir. Là. Tout simplement. Ouais. Le bouche à oreille qu'on voit qui opère très, très bien pour ce festival. Comment tu as mis cet habit de jury, si je puis dire, dans le sens, quand tu regardais les films, est-ce que, je pose la même question à tout le monde, mais c'est intéressant d'avoir vos points de vue, est-ce que tu as réussi à te détacher de ton rôle de jury, d'être simple spectatrice ou t'analyser un petit peu quand même? Ben, c'est sûr qu'au début, tu sais, d'habitude, quand on va voir des films, c'est vraiment pour regarder le film, tout ça, mais là, c'est sûr qu'il fallait penser aux critères, à la musique, au scénario, tout ça. Fait qu'au début, peut-être que les premiers films, j'étais plus dans le film, puis là, quand il fallait que j'évalue, ben c'était plus compliqué, mais après ça, je me suis vraiment habituée, là. Est-ce que vous avez les mêmes prix que le jury professionnel, à savoir meilleure réalisation, meilleure musique, etc.? Je pense que oui, mais on n'a pas les mêmes décisions. Est-ce que c'est un avantage pour toi quand même de, parce que les années précédentes, les deux jurys devaient s'accorder, si je comprends bien. Là, cette année, vous avez chacun vos prix. Est-ce que toi, tu préfères cette formule-là? Ben, je ne sais pas vraiment si je préfère ça, parce que je ne l'ai jamais vraiment essayé. Mais c'est sûr que ça donne différents points de vue, vu que nous, on est plus jeunes, puis eux autres sont plus vieux. Enfin, je ne sais pas. Là, mais vous n'avez peut-être pas les mêmes préférences, c'est ça que je veux dire, comme ouais, tu dis, en fonction de l'âge ou de l'expérience, tout simplement. Oui. Est-ce que toi, tu as eu des coups de cœur immédiats pour certains films dans la programmation? Ben, j'ai peut-être pas eu de coups de cœur, mais comme c'est ça, j'ai tout aimé vraiment les films. C'était tous des films différents qui parlaient de choses différentes aussi. Puis ça a été vraiment comme un plaisir pour moi d'aller voir tous ces films-là. Là. Est-ce qu'il y en avait certains pour qui tu avais des préjugés? Parce que là, on a les affiches. L'affiche est très claire. Hein? On voit tout de suite le style de dessin, le style d'animation. Est-ce qu'il y en a certains qui disent « Ah, je ne sais pas si je vais aimer lui, au contraire. » Ben, au départ, ma petite sorcière, on dirait que ça me tentait moins. Puis j'étais comme « Hey, ça a l'air plus enfant. » Puis tout ça. Mais quand je l'ai vu, j'étais vraiment surprise de ce film-là. Par exemple. Et Joachim nous a parlé de la difficulté de juger des films où le public cible est beaucoup plus jeune que vous, parce que si je vois bien, dans le jeune jury, vous êtes tous passés 13-14 ans, je pense. Ouais, 14-15. Ouais. Donc, parfois, ce sont des films qui s'adressent aux beaucoup plus jeunes, et pour autant, il faut que vous les jugiez aussi. Est-ce que ça a été difficile pour toi, ça? Ben, pour moi, ça a vraiment été difficile d'écouter des films plus jeunes, parce que ben, ça m'arrive quand même souvent, parce que j'ai une petite sœur, puis ça arrive, là... quand même fréquemment, mais juger ces films-là, ça m'a vraiment pas dérangé. C'est quoi ton genre de film habituellement? Plus des films peut-être fantastiques, un peu comme les super-héros ou je sais pas, mais comme ces films-là, les films comme exemple de Disney, là, j'aime vraiment ça, écouter ces films-là aussi. Parce que là, on est moins dans le genre là, de super-héros dans les films en compétition, j'ai l'impression. Non, c'est sûr, mais ça fait tout le temps du bien d'aller voir ailleurs. Les délibérations, Joachim nous disait que c'est allé plutôt vite. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Oui, c'est vrai. Là. Ouais, vraiment, là, ça a été fluide. On a parlé de ça, puis on s'est tout entendu. Puis, ouais. Vous arriviez à vous souvenir, par exemple, meilleure musique? Des fois, c'est un détail, on oublie dans le film hein, quand on est trop dedans. Est-ce que vous avez réussi à vous souvenir de ce genre de détails? C'est vrai, mais on en a pris des notes après chaque film. Fait que c'est sûr que ces notes-là nous aidaient. Puis vu qu'on était trois, on s'en rappelait chacun à l'autre. Là. Mémoire collective. Alors, si tu devais recommander un film aux jeunes de ton âge, tu dois avoir 15-16 ans aussi. Oui. Tu recommanderais lequel? Je pense que ça serait Mia et le lion blanc. Pourquoi? Parce que c'est peut-être plus un film qui... c'est une bonne question, mais c'est plus vraiment pour plus vieux autant que plus jeune. Mais il y a aussi peut-être Funan aussi, que peut-être ça intéresserait des gens de mon âge. Mais tous les films, là, peu importe petit et grand, là, c'est vraiment des bons films.

Ce soir et cette nuit, c'est un ciel partiellement nuageux avec 40% de probabilité d'averse de neige, du vent avec des rafales à 40 km/h au cours de la nuit et un minimum de moins 13 degrés, ce qui en fait une nuit beaucoup moins fraîche que ce qu'on a eu l'habitude dans les derniers jours. Demain, c'est une journée ensoleillée avec du vent également léger le matin, mais un maximum de moins 5 degrés. Les températures sont donc à la hausse pour atteindre moins 1 degré dimanche et de la neige qui est prévue. Et ça va tourner vraiment autour de zéro en début de semaine prochaine, ça y est. On commence à voir les températures positives pointer le bout de leur nez. Présentement, moins 6 degrés, c'est généralement nuageux à Québec. Ça y est, dernière minute au Festival de cinéma en famille de Québec. C'est sorties culturelles en direct du cinéma Le Clap Sainte-Foy. On vous a accompagné depuis lundi au cœur de ce festival avec toutes les personnes qui ont eu participé, que ce soit à titre de jury, à titre de formateur, d'atelier, c'est ça que je voulais vous dire. Toutes les activités dont on a pu profiter au festival. Certaines critiques également. On va remercier toute l'équipe du Machin Club, les enfants du Machin Club qui ont animé cette émission lundi. Des enfants, imaginez, entre 6 et 15 ans maximum, qui ont bâti cette émission de A à Z, qui vous ont concocté leurs critiques de films. Également, on va remercier Pierre Blais, mais Pierre Blais, il sait faire ça comme un roi avec son équipe de situation critique. Il était en direct du cinéma Le Clap de Sainte-Foy ce mercredi de 18h30 à 19h30. Je pourrais me remercier moi-même aussi d'avoir animé pendant 3 jours au festival, mais je remercie évidemment toute l'organisation de nous avoir accueillis ici à Sainte-Foy. C'est la dernière édition du festival à la pyramide de Sainte-Foy, puisque je vous rappelle, le festival déménagera avec le CLAP à la place Sainte-Foy l'année prochaine. Je remercie mon équipe d'ores et déjà avant de manquer de temps. Mélanie Florent à la mise en onde, merci beaucoup d'avoir été aussi réactive que je ne sais pas quoi, mais toujours très réactive du côté de la mise en onde. Simon Roy également qui s'est dévoué corps et âme pour l'installation de ce studio temporaire ici au cinéma Le CLAP de Sainte-Foy. Alors je prends le temps de faire ces remerciements comme il se doit. Je vous parle aussi de ces KRL parce que peut-être que des gens qui nous écoutent ne nous connaissent pas, nous découvrent ici en passant dans les couloirs du cinéma Le Clap. C'est KRL 89.1 qui a à cœur de soutenir la relève, toutes disciplines confondues. On parle de disciplines artistiques, mais aussi d'entrepreneuriat, par exemple. Eh bien, c'est ce qu'on a à cœur tout au long de l'année à travers notre programmation diversifiée. Et c'est KRL tiendra son événement de financement annuel les 29, 30 et 31 mars prochains. Une programmation toute spéciale qu'on vous concocte pour l'occasion dans nos bureaux qui sont transformés en cabaret le temps de cette fin de semaine. Vous êtes donc les bienvenus à nous rendre visite, mais avant de vous parler de cette programmation qui n'est pas encore dévoilée, ça sera pour le 18 mars, on est en campagne de pré-radioton, donc c'est une campagne de pré-financement puisque lors de l'événement on va dépasser le 42 000 dollars qu'on se fixe, mais d'ici là vous pouvez déjà soutenir ces KRL en faisant un don de 20 dollars et plus. C'est ce qu'on appelle le don pré-radioton. En faisant un don via notre site internet, par exemple, eh bien, vous courez la chance de remporter un prix culturel offert par la Caisse d'économie solidaire des Jardins, qui comprend plusieurs sorties dans des lieux culturels de Québec. On parle par exemple de 4 billets pour le concert de la série Apéro, l'heure est grave au Palais Montcalm en mai prochain. 2 billets pour L'écoriste qui va être présenté pas très loin d'ici d'ailleurs à la salle Albert Rousseau en juillet. 2 billets pour Tire le Coyote également le 6 décembre au Théâtre Petit Champlain. Alors c'est tout simple, si vous faites un don de 20 dollars et plus à CKRL, vous courez la chance de remporter ce prix culturel en participant à un tirage qui sera fait en début de Radioton à l'ouverture le 29 mars à 17h. Également vous pouvez être membre de CKRL toute l'année. Une carte qui est valide 1 an et qui vous donne différents rabais chez des commerçants partenaires. Et en devenant membre de CKRL, c'est au coût de 25 dollars pour 1 an, vous courez la chance de remporter le prix loisirs, cette fois offert par Le Pédalier, boutique de vélo mais aussi d'équipement de plein air. C'est un certificat de 150 dollars que vous courez la chance de gagner. Encore une fois, c'est un tirage qui aura lieu le 29 mars à 17h lors de notre 5 à 7 d'ouverture. Alors comment faire pour être membre ou pour faire un don à CKRL? C'est très simple, vous pouvez aller sur notre site internet internet ckrl.qc.ca via l'onglet PayPal, paiement sécurisé. Venez nous voir également à Limoilou. On est au 405 3e avenue. Vous venez nous voir sur les heures de bureau du lundi au vendredi entre 9h et 17h30. Également par téléphone, appelez Danny Fortin, notre directeur général, 418-640-2575, poste 201. 418-640-2575, poste 201. Ça fera un plaisir de recevoir vos dons ou de vous concocter votre première carte de membre ou votre renouvellement. Alors à suivre, je vous l'ai dit, programmation du Radioton qui sera dévoilée sur nos ondes le 18 mars prochain, c'est un lundi, à 15h30, en direct, avec nos porte-paroles. Je vous rappelle toujours un porte-parole à faire et un porte-parole artistique qui sera des nôtres. On fait une petite pause musicale avant de se dire au revoir au Festival de cinéma en famille de Québec. Voici Jordan avec Regardez devant. Sur le bord de la mer, mais on m'a dit que c'était pas assez. On a roulé jusqu'au sommet des montagnes. Je pensais pas me tromper. Si l'amitié et l'amour se mélangent, j'avoue m'être égaré, m'être égaré. Qu'on enterre mon père, c'est là qu'il faudrait récolter. On se souhaite une bonne soirée sur les quelques notes de Jordan. Regardez devant, c'était Jessica Leb avec vous pour Sortie culturelle en direct du Festival de cinéma en famille de Québec et du Club Sainte-Foy. Je vous laisse entre de bonnes mains. Voici Raymond Poirier avec La vie en BD sur les ondes de CKRL. Bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. Le cinéma en famille de Québec vous a été présenté en direct du cinéma Le Club Sainte-Foy. CKRL, de la radio en tout genre, du lundi au vendredi. La vie en BD, c'est votre magazine dédié à la bande dessinée et à l'univers du dessin sous toutes ses formes. Illustrations jeunesse, cinéma d'animation et plus. En compagnie d'une équipe passionnée, au gré d'entrevues et de rencontres, de critiques et d'échanges, plongez dans cet univers de cases, planches et bulles. CKRL. Communication. Culture. Le Radioton de CKRL, c'est les 29, 30 et 31 mars prochains. L'objectif est de 42 000 $. Soyez solidaires en contribuant financièrement au développement de votre radio communautaire. Devenez membre au coût de 25 $ avant le 29 mars 17h et courez la chance de gagner le prix loisir d'une valeur de 150 $ de la boutique Le Pédalier. Vous voulez devenir membre? Allez sur ckrl.qc.ca ou au 88 640 2575 poste 201 ou encore passez à la station au 405 3e avenue Limoilou. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Cette année, on fête la Saint-Pat à la brasserie artisanale La Corrigane. Menu traditionnel irlandais, promo sur la bière et sur le Jameson. Casque spécial, ambiance festive et plusieurs prix à gagner. Tout ça au 380 rue Dorchester. Le 16 mars dès 17h, on t'attend. Matin, midi, soir, ça goûte bon à la boîte à pain. À chaque instant de la journée, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. Puis je vous dis que c'est aussi à ce moment précis qu'on comprend pourquoi on appelle ça des gourmandises artisanales. Plus de 40 variétés de pain, sandwich, pizza au four à bois et pâtisserie. Boulangerie La Boîte à pain, Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou. Les poignettes démangent, t'as besoin de défis? Viens t'inscrire à la compétition amicale de Babyfoot qui aura lieu au bal les mardis 12 et 19 mars. Inscription sur place au coût de 10 $ par équipe. Les gagnants remportent la mise, les perdants ont du fun quand même. Prix de présence et consommation gratuite pour les équipes participantes. Vous avez jusqu'au 9 mars pour vous inscrire. En attendant, venez participer. La table est gratuite tous les jours. Bal du Lézard, 1049 3e avenue, Limoilou. Lebaldulezard.com. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager.